Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous bénissons l'Éternel, le frère Junior Tchabda et moi, du fait que le Seigneur nous a disposé aujourd'hui à venir nous réunir sur ces appareils, autour de ces appareils, pour donner cet enseignement qui étant rejeté par beaucoup de frères. Et moi, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir rester en contact avec le frère Junior afin que tout ce qui a été dit à son endroit, en l'occurrence cet enseignement sur la semence du serpent de Genèse 3, soit dévoilé. Alors je l'ai écouté de long en large et j'ai souhaité, bien aimé frères et sœurs dans le monde entier, que vous puissiez aussi l'écouter, parce qu'il a reçu beaucoup d'accusations par rapport à cet enseignement que je crois convaincu être biblique. Donc nous allons passer la parole au frère Junior qui va nous amener dans les Écritures et surtout dans les Écritures en expliquant clairement. Ouvrez votre esprit et laissez que le Saint-Esprit, l'Esprit de révélation, vous ouvre l'esprit afin que vous puissiez comprendre ces choses qui ont été cachées pendant longtemps et que le Seigneur révèle en ces temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Frère Junior, que le Seigneur te bénisse. À toi la parole. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Martial. Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés frères dans le monde entier qui écoutent dans différents médias que le Seigneur a ouvert à cette fin de temps, y compris par exemple jusqu'à la télévision qui bénit beaucoup de personnes qui me bénit également. Donc frère, je vais commencer comme ça avec un verset biblique rapidement là, dans le livre de Daniel. Dans le livre du prophète Daniel. Daniel. Daniel. Prenons le livre de Daniel, au chapitre 11. Daniel, chapitre 11. Oui, on peut prendre le verset, chapitre 11, chapitre 12. Allons-y au chapitre 12. Lorsque Daniel. Oui, Daniel. Au verset 4. Prenons à partir du verset 4 là. Oui. Daniel chapitre 12, verset 4. Oui. Daniel, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Verset 10 maintenant, frère. Verset 10, Daniel chapitre 12, verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Verset 3 maintenant, enfin, mon cher frère. Daniel chapitre 12, verset 3. Oui. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs dans le monde entier, je reconnais que c'est compliqué lorsque quelque chose semble être nouveau pour la compréhension humaine. Mais la Bible nous révèle ici qu'il y avait des choses qui devaient être tenues secrètes et que c'est à la fin des temps que Dieu devait révéler cela. Et je ne prétends pas être le seul à avoir reçu ce genre de message, bien que Dieu donne à chacun selon sa portion qu'il a destinée pour lui. Donc, au courant de cet enseignement que nous allons faire, vous pourrez suivre le développement et vous pourrez en juger vous-même. Mais ma prière, c'est que le Saint-Esprit qui m'a révélé cela puisse ouvrir votre intelligence. Si vous êtes destiné à comprendre cela, vous comprendrez et à coup sûr. Et ceux qui sont de la vérité comprendront la vérité. Donc, par rapport à ce sujet tant controversé, et beaucoup de pasteurs dans le monde entier n'aiment pas aborder parce que je reconnais que c'est un casse-tête chinois. Voici pourquoi donc la théologie ne peut pas étudier cela. On ne peut pas aller dans les Écritures avec la compréhension humaine, parce que les choses que Dieu lui-même a scellées, c'est lui qui décède et il révèle à qui il le veut. Et c'est très souvent comme cela, quand le Père des armées, quand lui-même il dévoile ses mystères, c'est souvent incompréhensible aux yeux humains. Voilà pourquoi ça se trouve beaucoup plus de contradictions. Et la chose la plus choquante au courant des Écritures, vous allez remarquer que les gens qui sont virulents face à la révélation, ne sont pas les païens. Ce sont des gens qui croient. Et c'est ça le problème. Donc, remarquez au courant des Écritures, les gens qui, notre Seigneur Jésus-Christ, avait eu des confrontations, particulièrement avec les religieux. Les simples personnes qui allaient dans les champs, les gens qui payaient les impôts tranquillement, les taxes tranquillement, comprenaient la mission du Seigneur Jésus-Christ et désirait tant être avec lui. Mais les groupes religieux disaient, il égale la multitude, c'est un démon. Et on voit la même chose aujourd'hui, le même esprit n'a pas changé. Donc, bien aimé, je vais aller au cours dans la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je merci déjà de me recevoir le frère Marcel et moi pour nous permettre de nous expliquer. Mais ce n'est pas nous qui expliquons, c'est qu'on ne peut pas cacher une révélation du Seigneur. C'est qu'il a dit que ce qu'on a, ce qu'il nous a enseigné dans les toits, dans les chambres, dans les ténèbres, qu'on le prêche sur les toits. Et voici donc l'opportunité que le Seigneur donne le temps de prêcher. Bienvenue donc avec nous, bienvenue chez vous, merci de nous accueillir chez vous, par quelques médias que vous recevez cet enseignement. Que Dieu utilise ça pour changer le cœur. Et vous allez voir, bien aimé, au courant de l'écriture, on ne sait pas combien d'épisodes on va faire, selon que Dieu va disposer cela, vous allez voir que ça va détacher beaucoup de doutes dans les écritures. J'ai remarqué, parce que beaucoup de choses dans les écritures, il y a des contradictions aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui tient position, que l'autre dit qu'on peut faire le salut, l'autre dit qu'on ne peut pas faire le salut, et les deux démons ont changé de la Bible. La Bible ne peut pas enseigner le pour et le contre. La Bible ne peut pas enseigner le vrai et le faux concernant le même sujet. Alors, forcément, il y a une pièce dans le puzzle dont les gens ne voient pas qu'elle est importante. Et cette pièce-là, c'est ce qui s'est passé à la Genèse. Vous allez voir donc pourquoi, dans la doctrine de la prédestination, lorsqu'on va toucher cela, on va le comprendre maintenant clairement et pourquoi il fallait, c'était nécessaire. Donc, pas comme les systèmes bien-aimés ont mal interprété ce que j'ai dit en Genèse. Je n'ai pas dit que c'est salutaire. Mais je dis, c'est pour la connaissance des réalités, connaître mieux ce Dieu-là. Il a plu à ce haut Dieu, notre Dieu du ciel. Il révèle cela afin que nous comprenions son plan parfait tel qu'il a destiné dans la Bible. Donc, la première chose qu'il veut faire maintenant, cette introduction, bien-aimé, c'est qu'il faut que vous compreniez que votre Bible parle d'une descendance du serpent. Que vous l'admettiez ou non, je vais vous montrer maintenant dans l'introduction, tout simplement que la Bible parle de la semence du serpent. Et nous allons aller dans la Bible, nous allons lire quelques versets qui nous montrent clairement qu'il y a une descendance du serpent, et c'est la première partie. Allons-y avec moi, bien-aimé, ouvrez votre Bible à la maison dans Genèse chapitre 3. On va y revenir en profondeur depuis Genèse chapitre 1. On va décortiquer les écritures. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Frère Julien, je te propose d'aller doucement au niveau de la parole pour que les gens puissent se saisir. Ok, merci. Merci, frère. Parce que je te remercie de me proposer ainsi. Parce que quand ça me saisit vraiment là, ça va vraiment vous dire. Va doucement pour que les gens puissent saisir vraiment au niveau de la parole. Accueille de temps en temps, s'il te plaît. Que le Seigneur te bénisse et te conduise, frère. Amen. Donc, je vais lire seulement dans le livre de Genèse pour le moment, à cette introduction. J'ai dit, le but de cette introduction, c'est d'établir d'abord qu'il y a la semence. En fait, il y a deux lignées sur la terre. L'une des lignées, c'est la semence du serpent dont les gens ne veulent pas entendre parler. Comme vous l'admettez ou non, comme vous ne voulez pas entendre parler, vous allez savoir que dans la Bible, il y en a cela. Donc, verset 15, frère, verset 15, du chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 15. La parole de Dieu dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Amen. Donc, c'est Dieu qui parle. Comme les gens ont peur des interprétations des Écritures, si vous avez peur, nous n'avons pas peur de dire ce que notre Dieu a dit. Alors, regardons bien. Dieu a dit ici, lorsque l'acte a été commis, nous ne verrons pas sur l'acte, nous allons revenir démontrer de cet acte-là qu'il s'agissait des rapports sexuels, je le redis encore, entre le serpent. Parce que j'ai l'impression que lorsqu'on parle du serpent, les gens, comme ils ont tellement vu le serpent en train de s'enrouler comme ça, ils ne comprennent pas que le serpent n'était pas comme ça. Le serpent était un animal qui était debout, qui parlait. Et c'est le seul animal que la Bible déclare qu'il parlait. Verset 1 du chapitre 3 dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Il dit à la femme, le plus rusé. Et quand Dieu a donné la sanction au serpent, il a dit que tu marcheras désormais. Ça implique donc qu'il ne marchait pas ainsi. Donc c'est la sanction qu'il a. Tu ramperas désormais. Donc quand la Bible dit, quand Dieu dit que tu ramperas, ça suppose que le serpent ne rampait pas. Donc, dans vos manuels bibliques diabolico-sataniques, dont on redessine une pomme rouge avec Adam là-bas, avec le fidèle, avec le serpent enroulé, déchirez cela et jetez cela. Parce que vous ne pouvez pas avoir la forme initiale du serpent. Vous devez comprendre que si il a l'aptitude de parler, alors il devrait être proche de vous-même. C'est aussi le simple bon sens, vous expliquerez cela. Donc, frère bien-aimé, le verset que tu viens de lire au verset 15 du chapitre 3 dit ceci, « Je mettrai inimitié. » Inimitié, ça veut dire antagonisme. Inimitié, ça veut dire ça veut dire que c'est séparé pour toujours. Donc, il n'y aura jamais de lien entre les deux. Regardez bien, il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Dans d'autres versions, on dit « ça ta semence ». Voilà là où le bas blesse. Donc, dans d'autres versions, on dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et ça, et la semence de la femme. » Et la semence là, écoutez très bien, bien-aimé, écoutez très bien, à la connotation des spermatozoïdes. Si ça vous, j'espère que ça va vous choquer, mais c'est vrai. Il dit « ta semence et sa semence, la postérité et sa postérité ». Dans l'autre version, on parle de descendance, dont la semence est égale à la postérité qui est égale à la descendance. Et tous les théologiens, tous ceux qui lisent la Bible connaissent distinctement que la postérité de la femme ici, il s'agit de Christ. Tout le monde, unanimement, sait que c'est Christ. Mais ce qui est curieux, c'est que personne ne veut dire où est la postérité du Seigneur. Bien-aimé Martial, c'est vraiment... Donc il y a deux postérités, clairement, comme la Bible nous explique ici. Il y a la postérité de la femme et il y a la postérité du serpent. Absolument. Et Dieu a dit, et quand Dieu lui dit « je mettrai », ça se pose que c'est quelque chose qui est dans le futur, après cet acte, après cette émission. Il a dit « inimité », ça se pose que antagonisme pour toujours. Okay. Ça veut dire qu'au courant des générations suivantes, ces deux générations vont se suivre, ces deux lignes vont se suivre s'entremêler, mais Dieu a dit clairement qu'il va mettre de l'antagonisme entre les deux. Et il dit ici, dans une autre prophétie, il dit que tu marcheras et l'autre dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et les gens savent clairement que c'est réalisé à la croix lorsque Christ a été blessé là-bas à la croix, lorsque les clous sont rentrés sur son talon. Ils savent très bien que la postérité de la femme, c'est Christ. Lorsque les clous sont rentrés dans le talon de Christ, la postérité de la femme, c'est Christ. Absolument, frère. Et le talon dont il s'agit, c'est lorsqu'on a mis les clous dans le talon. Les clous, c'est le talon. Ok. C'est le seul endroit. Okay. Et les gens savent que c'est la postérité, c'est Christ. Mais la question, donc, puisque ce n'est pas Christ dont on doit suivre, le Christ est clairement révélé dans la Bible, tout au long de la Bible, comme étant Dieu, venu dans la chair. Amen. Donc, ce qui veut dire que la femme a une postérité, a une descendance. Mais ce n'est pas une descendance. Pourquoi on identifie clairement ici, et il n'y a nulle part ici qui dit que c'est Christ, littéralement. Donc si quelqu'un me dit que c'est Christ ici, comme les gens n'aiment pas interpréter l'Écriture, j'aimerais que quelqu'un me dise là où c'est Christ. Pourtant nous savons que c'est de Christ dont il est question ici. Alors si nous savons donc qu'il est question que c'est Christ ici, alors j'aimerais que quelqu'un me dise quelle est la descendance du serpent. Si vous avez peur de le dire, c'est pour ça que l'Éternel de l'Éternel m'a envoyé de vous dire. Et nous allons voir au travers des Écritures que le Seigneur Jésus lui-même en a parlé. Jean-Baptiste en a parlé, l'apôtre Paul en a parlé, on va voir ça tout au long des Écritures dévoilées, et le Saint-Esprit parlera avec le Père. Amen. Amen. Donc, bien écouté, j'ai dit tout à l'heure là qu'il y a une postérité. Voici la Bible, c'est Dieu qui a dit qu'il y a une postérité. Il y a une unité entre les deux postérités. Donc, la postérité du serpent et la postérité de la femme. Donc, je répète encore, le serpent a une sémence. Le serpent a une descendance. La femme aussi a une descendance, et c'est-à-dire Christ. Maintenant, allons-y dans le livre de Matthieu et voir quelque chose. Bien, Matthieu. Matthieu, chapitre 13. Mais voilà, nous écoutons, nous sommes. Donc, je crois que le Saint-Esprit nous conduit là rapidement. Mmh. Matthieu chapitre 13, bien-aimé. Donc, dans ce Matthieu chapitre 13, il est question de cinq paraboles particulièrement. Et parmi les cinq paraboles que le Seigneur Jésus va dire à la foule, les disciples vont lui poser la question sur une seule parabole, parce que c'est le Saint-Esprit qui savait dans cette pensée, ça devait nous servir maintenant. Et il y a une chose qui est marquante dans cette Matthieu chapitre 13, c'est que, disons, frère bien-aimé, le verset 34 et 35, il voit quelque chose. Matthieu chapitre 13, oui. Verset 34 à 35. Jésus dit à la foule toutes ces paroles, toutes ces choses en parabole. Et il lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Point. Nous y voilà. Nous y voilà, bien aimé, nous y voilà. Alors, donc, frère Junior, allons-y explicitement, parle doucement, frère, parce que là, c'est très oui. Sérieux. Oui, ça devient vraiment frère. Sérieux. Mmh. Merci, merci. La Bible nous dit distinctement ici que Jésus est censé ouvrir sa bouche et dévoiler les choses cachées depuis la création du monde. Donc, ça veut dire que si ces choses dont nous parlons comme étant la parabole, comme étant la sémence du serpent, comme étant les deux lignes, alors notre Seigneur Jésus est censé avoir parlé de cela. Parce que ce livre aussi dit que les prophètes, en fait c'est le prophète Asaph dans le livre de Psaume 78, verset 1 à 2 qui dit cela. Et il dit que j'ouvrirai ma bouche et publierai les sentences, les sagesses cachées. Et si on dit clairement, il va publier les choses cachées depuis la création du monde. Et la Bible utilise le mot parabole. Parabole, ça veut dire qu'on va utiliser des types, des choses pour signifier quelque chose qui est une réalité. Donc il faut la compréhension biblique, la manière de comprendre, la manière de connaître les mots que Dieu utilise. C'est-à-dire quoi par exemple? Lorsque quelqu'un voit sémence, on sait à quoi la sémence se réfère, lorsqu'on a la compréhension du livre. Donc quand Jésus va ouvrir la bouche en parabole, il va nous dire des choses cachées qui s'est passées à la création. Allons-y maintenant, exploitons donc ce chapitre de Dieu, bien-aimé, frère Martial. Disons à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Verset 24 ou verset 30. Ouais. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. » Amen. Amen. Maintenant, Frère Martial, remarquons très bien qu'il y a 5 paraboles dans ces Matthieu chapitre 13. Et maintenant, voici l'une des paraboles que le Seigneur Jésus va donner. Vérifions maintenant, regardons bien, à partir du verset 36, disons, verset 36 jusqu'au verset 43. Verset 36 jusqu'au verset 43. Matthieu chapitre 13, verset 36. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enlèvera ses anges, enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Amen. Donc, frère, nous voyons ici plusieurs prédicateurs. Lorsqu'on prêche, par exemple, contre le faux pasteur et autres, les gens nous disent non, le Seigneur dit que laissez les croire ensemble. Ils reconnaissent par là que, au milieu des prédicateurs, les faux se sont glissés. Et nous voyons très bien un type clair parmi les 12 disciples de Jésus-Christ, un faux qui s'est glissé. Nous disons que Jésus-Christ dira dans Jean chapitre 6 que parmi vous, il y a un démon. Il n'a pas dit que quelqu'un était possédé. Regardez la différence. Oh mon Dieu, j'aimerais bien que quelqu'un saisisse ici. Dans Jean chapitre 6, verset 60 à 69, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous le douce, pendant l'un de vous est un démon. Écoutez bien, vous qui voulez comprendre le langage de Dieu. Il n'a pas dit l'un de vous a un démon, parce que quand quelqu'un a un démon, on peut le délivrer. Il dit que l'un de vous est un démon, donc sa nature, c'est démoniaque, c'est le fils de perdition. Donc il est né, il a la chair, la forme humaine, il a le langage religieux. Et souvenez-vous, il fait des miracles. Il avait le même apostolat comme les autres disciples authentiques du Seigneur. Mais la narrative qui a l'intérêt n'est pas de Dieu. Souvenez-vous bien de cela. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, j'espère que je vais vraiment doucement, parce que ça commence à me prendre là. Oui, tu vas doucement. Avant, encore plus doucement, voilà. Mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ dit ici que le champ, c'est le monde. Le vrai, les blés, ce sont les fils du royaume. Celui qui a semé. Déjà, on voit que dans cette image, il y a le blé, il y a l'ivraie. Et c'est deux natures différentes. Et il n'y a pas un moment où le vrai peut devenir faux, le faux peut devenir vrai. C'est que dès le départ, ils sont d'abord faux. Je veux que les gens comprennent cela. Il dit ceci. Quand l'ivraie pousse dans le champ, il n'y a pas un moment où c'est vrai avant de devenir faux. J'espère que les gens saisissent ce qu'ils sont devenus. Le blé est blé dès sa nature. Quand la semence du blé, selon Genèse chapitre 1, verset 11, il a dit que chaque plante, chaque semence est en lui une semence propre, qui lui est propre. Ça veut dire qu'à partir de cette semence initiale, ça va engendrer d'autres semences de la même nature. De la même façon, le faux dès le départ reproduira le faux chaque fois. Donc, les deux sont distinctement semés par deux personnes différentes. Et maintenant, la question que je vais poser à quelqu'un, c'est, la Bible déclare ici que notre Seigneur doit publier les choses qui sont cachées depuis la création du monde. Alors, quand est-ce que le vrai a été semé dans le royaume et que l'ivraie a été semé? Puisqu'il n'y a qu'une seule intercation entre Dieu et Satan, et c'est que dans le jardin, frère, Oui, ce n'est pas, frère. Oui, frère. Voilà là où se trouve le mystère. Donc, Jésus vient d'ouvrir sa bouche pour nous dire que dès la création du monde, c'est lui. Et remarquons très bien, pour ceux qui renient que Jésus est le créateur, nous, parce qu'il vient d'affirmer ici que les personnes, Adam et Ève, c'est lui qui les a mis là-bas dedans. Alléluia. Amen. Donc, ça démystifie une chose encore. Il dit, les fils du royaume, c'est le fils de l'homme qui l'a semé. Et nous savons que le fils de l'homme, c'est lui. Donc, c'est lui qui était le créateur dès le départ. Et il a mis les fils du royaume. C'est-à-dire que le fils Adam, particulièrement en premier, avec Ève, il a mis les fils du royaume. Après, il dit maintenant, l'ivraie, c'est le fils du malin. Ce sont les fils du malin. Ça suppose qu'ils ne viennent pas de lui. On va toucher la doctrine de l'enfer, la prédestinée, les brebis. Et vous allez comprendre pourquoi il utilise le terme mes brebis. Il n'a pas dit les brebis de l'étui. Vous allez comprendre pourquoi certaines personnes sont destinées pour la perdition. Et donc, comme Judas. Alors, si vous vous fâchez, vous pouvez vous fâcher, mais c'est la vérité dans la Bible. Il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Amen. On va y arriver. Donc, maintenant, ces deux lignées, donc, Jésus-Christ dit qu'ils ont été plantés. Mais voici donc la révélation encore qui se cache derrière mon père, mon frère bien-aimé, et vous tous qui m'écoutez. C'est qu'à un moment donné, il y a mixture. Les deux lignées, et on va toucher le cas de Genèse chapitre 6, parce qu'il y a quelqu'un que j'ai entendu sur Jésus-Christ télévision, en l'occurrence, mon persécuteur a déclaré qu'après le nettoyage des déluges, il y a eu seulement Noé. C'est parce qu'il est confond. Ton persécuteur déclaré, c'est qui? Déclaré, c'est Georges Naman, de Jésus-Christ télévision. Vous le nommez, frère. Ce n'est pas mon désir de faire de la dislocation dans le corps de Christ, parce que Dieu m'a appelé pour enseigner ces choses afin que les gens soient. Non. Donc, s'il dit n'importe quoi, c'est entre lui et Dieu. Donc, moi, je prêche la parole de Dieu, sachant que j'ai été établi pour cela. Si n'en plaît à ceux qui peuvent dire que je suis démoniaque, il n'y a pas de problème, mais je vais prêcher. Donc, je disais donc ceci, frère bien-aimé, c'est que les deux lignées ont été scellées distinctement. C'est voici ce que la Bible dit. Les deux lignées ont été scellées distinctement par deux personnes différentes. Et nous sommes d'accord que rien ne retournera à Dieu si ce n'est pas venu de lui. Rien ne reviendra à notre Dieu le Père si exactement ça ne tire pas son origine de nous. Donc, exactement, toute source, tout ce qui retournera à Dieu, c'est ce qui prend source, prend racine de ce Dieu-là. Si ça ne vient pas de la pensée de Dieu, Dieu rejettera à coup sûr. Voici pourquoi les fils, quel qu'en soit le cas, ne viendront par Christ. Mais souvenez-vous de ceci. Il peut avoir la façade religieuse. Il peut citer la Bible de la Genèse Apocalypse. Tel qu'on, l'autre m'a dit que, comme Nama justement, a dit que je suis éloquent. Je ne suis pas plus éloquent que lui, je n'ai pas assez fréquenté, je n'ai pas été avocat. Mais je dis ce que Dieu m'a montré dans les Écritures. Et j'essaie de comprendre avec la meilleure façon dont il m'a donné de me comprendre. Donc je vais dire ceci. On n'a pas besoin d'éloquence au milieu chrétien. Ceux-là sont éloquents. Remarquez, ils occupent les hautes sphères de la société. À un moment donné, donc, il y a une mixture entre la bonne semence et l'ivraie. C'est exactement ce qui a créé la confusion. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, n'allez pas arracher des bœufs en arrachant. Souvenez-vous, pour ceux qui sont dans les régions où il y a le champ, souvenez-vous, lorsque vous plantez le riz, à un moment donné, ceux qui se travaillent dans la rizière peuvent savoir ceci. À un moment donné, les herbes montent et tant que ce n'est pas à la moisson, pour qu'on distingue distinctement les tiges du riz et des livrets, vous allez arracher le riz. C'est exactement ce que le Seigneur a dit, il faut qu'on attende jusqu'à la moisson. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que le temps de sa venue va approcher, on va voir la manifestation, la révélation des véritables fils, pas le bavardage. L'évangile prêché avec puissance, avec autorité. Jésus-Christ va continuer son évangile. Et là, on saura exactement que le mont Carmel va se bénir de nouveau. Donc, la Bible déclare clairement qu'à la moisson, on va distinguer. Parce que quand à la moisson, quand c'est mûr, on voit vraiment les fruits. On voit les fruits distinctement que produit le vrai, que produit le vrai. Et après, à cela, vous n'avez pas besoin de dire que non, ça c'est un manguier peut-être ou bien c'est un goyavier. Si vous confondez quand l'arbre est encore vert, sans produit, regardez à la saison des fruits. Vous allez voir, vous saurez que ça, c'est la manguée, ça, c'est le goyavier. Donc, Dieu, notre Seigneur, Jésus-Christ, a dit ici clairement qu'à la moisson, il va les présenter. Donc, bien-aimés, frères et sœurs, voici donc les deux lignées dans la Bible tracée. Nous restons toujours dans Matthieu, bien-aimé. Regardons Matthieu chapitre 3 maintenant. Matthieu chapitre 3. Je vais prendre un autre prophète qui en a parlé. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Lisons à partir du verset 1, frère, jusqu'au verset 12. Arrêtons au verset 12. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 1er. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mais je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous voyons très bien que le Seigneur Jésus a dit une chose. Jean-Baptiste, le prophète qui était avant lui, qui a parcouru son chemin, a dit exactement la même chose. Nous voyons ici la notion de l'arbre, la notion des greniers, la notion des frais, la notion des livrets. Déjà, au verset 10, il dit déjà la cognée, la hache, si vous voulez. La cognée, c'est la hache. La hache est mise à la racine de tout arbre. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bon fruit. Vous savez très bien qu'il a dit de parler des êtres humains ici, puisque en haut, il a dit produisez donc des fruits dignes de la repentance. Donc, il parle ici de la hache et les arbres sont typifiés comme les hommes. On va revenir dans la deuxième partie où on va expliquer en profondeur l'arbre de la connaissance de Dieu et l'arbre de la vie dans le jardin et on va voir tout cela. Maintenant, regardons donc ici. La Bible déclare, mais voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Souvenez-vous de cela. Si vous lisez Luc chapitre 7, le verset 30, la Bible déclare que les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser ou baptême des gens, ont rendu nul effet le dessein de Dieu dans leur vie. Donc la grande majorité de ces groupes-ci avaient refusé clairement la venue du Messie dans leur vie. Pourquoi ils ont refusé? Parce qu'ils n'étaient pas de la semence de Dieu. Parce que donc pourquoi vous allez remarquer que chaque fois qu'ils sont présents au baptême des gens, dans Matthieu chapitre 3, dans Marc, dans Luc, dans Jean, enfin dans Jean, il ne s'y trouve pas, Jean va parler du baptême du Saint-Esprit et du feu. C'est encore une autre dérive là-bas où on dit qu'il faut que le feu descende sur les gens, on prie pour le feu, le baptême du feu. Ce n'est pas de cette façon-là. Là, chaque fois qu'il y a les pharisiens, Jean-Baptiste va parler de deux types de personnes. Il va dire le premier groupe, parce qu'il dit Jean-Baptiste que le feu c'est un symbole du jugement. Il va séparer le vrai de l'ivraie. Le vrai va être baptisé Saint-Esprit, l'ivraie sera entré dans le feu. Baptisé, ça veut dire immergé, plongé dans le feu. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un dit que le baptême du feu se vient sur la tête. Alors, ça veut dire c'est le baptême catholique, ça veut dire que les catholiques ont raison avec nous. Donc, bien, il faut qu'on revienne à l'ordre. C'est pas le temps de parler de cela. On va passer toutes les doctrines en revue, toutes les doctrines bien aimées prémanciales. En cette fin de temps, on saura vraiment qui parle de la Bible ou pas. Donc, frère, la Bible déclare ici que les pharisiens, il a appelé les pharisiens quelque chose. C'est un nom qu'il leur a donné, une connotation qui est clairement leur. Il leur a dit quoi? Il dit race de vipère. Race de vipère. Vous avez vu cela au verset 7. Il a dit race de vipère. Le Seigneur Jésus va dire la même chose, les mêmes appellations à ces mêmes groupes de personnes. Race de vipères. Quand je lis ces versets chaque fois, je panique tout simplement parce que ces personnes-ci, les pharisiens, ça veut dire là-bas séparés. Un groupe qui s'est séparé, qui a pris possession de la loi de Dieu, qui ont mélangé avec les traditions des hommes. Vous avez vu les coutumes des pères. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont contrôler le peuple. C'est exactement comme ça que cette race de vipères se trouve dans les hautes positions des clergés maintenant aujourd'hui. Alors, ils manipulent la Bible, ils ont des cols pastorales, ils sont archibishops et autres, et ainsi de suite. Voici donc la position. Ils ne peuvent pas occuper les plus basses, les basses classes de l'échelle, non. Race des vipères, c'est eux qui contrôlent la foule. Imaginez bien, si vous lisez dans Luc chapitre 3, lorsque les disciples sont venus, enfin, le peuple est venu vers Jean-Baptiste, ils ont dit, que qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous devons encore faire? Qu'est-ce que Jean-Baptiste leur a dit? Il a dit que celui qui a deux tenues donne à celui qui n'en a pas. Les choses élémentaires que Dieu leur avait données dans Deutéronome 4 à 8, quand ils se verraient entrer dans le pays, qui ne néglige pas les veuves, les orphelins et autres, ils avaient oublié cela. Pourtant, ils avaient des sacrificateurs, ils avaient des lévites, ils avaient des scribes au pays qui étaient versés dans les écritures. Mais la simple pratique, la fidélité dans la loi, la justice ne pouvait pas pratiquer. Il a fallu que Dieu suscite encore un autre maintenant, Jean-Baptiste, pour leur dire les choses élémentaires. Les soldats sont venus, que parlons-nous faire? Les cordiers d'enfants sont venus, qu'allons-nous faire? Pourquoi? parce que la parole de Dieu avait déjà été pervertie. Et c'est la même chose. Si Jean-Baptiste est venu la première venue pour annoncer Jésus, ça a été une circonstance spirituelle, était de la même façon. À sa seconde venue, Jésus lui-même a dit dans Luc chapitre 18, verset 8, « Mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ?» Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, s'il pose la question, il y a un problème. Donc, ça veut dire que la foi, la parole qui est prêchée, ne sera pas la parole de la foi ou préparée par la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est terrible. Ça, les gens seront surpris même quand la connaissance même de la révélation même de la venue de Jésus-Christ, ils vont prêcher cela, ils ne vont pas y aller. Parce qu'il ne s'agit pas de connaître que Jésus va venir, les conditions pour y parvenir. Il faut être de cette sémence-là. Si tu n'es pas de sémence de Christ, tu ne partiras pas, mon cher ami. Prêche comme tu veux. Donc, voici donc les pharisiens qui connaissaient cela. Souvenez-vous, quand Jésus est né dans le chapitre 2, quand les mages vont venir voir à Jérusalem en disant que où est votre roi, le roi des Juifs qui est né, tout Jérusalem a été bouleversé. Alors, Hérode va appeler tous les scribes. Les scribes, ce sont ceux qui ont versé les Écritures. Ils vont leur demander comment, est-ce qu'en ce temps, il va naître? Il dit oui. Parce que la parole dit que c'est en Judée, en terre de, en Bethléem, en Juda, en citant Miché. Donc, ils connaissent exactement l'Écriture. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va naître plusieurs années après, plus de 30 ans, ils vont venir et c'est eux qui vont les crucifier. C'est terrible. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, voici encore la même lignée qui est présentée ici. Deux groupes de personnes se présentent au baptême, il y a l'autre qui sont les descendants d'Abraham. Et remarquez très bien ce que Jean-Baptiste va leur dire. Il va dire, ne mettez pas à vous dire que vous êtes les fils d'Abraham. Si vous lisez Jean chapitre 8, c'est exactement ce qu'ils vont dire à Jésus. Nous avons Abraham pour père. Jésus va leur dire que si vous avez Abraham pour père, vous accomplissez les œuvres d'Abraham. Il dit que ah, vous avez pour le vœu, votre vrai père, c'est le diable. Le Seigneur ne badine pas. Donc il y a une lignée de diables sur la terre, il y a une lignée de fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu sauver ses brebis, ses brebis. Ce n'est pas de ses brebis, vous n'entrerez pas. Récitez, Seigneur, il te donne ma vie, vous donnez sa vie, il ne prendra pas. Je vous le rassure. Il ne prendra pas. Donc vous qui restez le nom en disant que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ là, ce n'est pas ça. J'espère que vous me saisissez. Et s'il ne vous appelle pas, vous ne pouvez pas venir. Il a dit clairement dans sa parole que nul ne peut venir à lui si le Père qu'il a envoyé ne l'attire. Tant qu'on n'est pas attiré, c'est-à-dire que si la sémence, en fait, vous expliquez cela avec l'aimant et le clochon, vous venez avec le fer. Le fer a la propriété d'être attiré seulement par l'aimant. Si vous êtes le nylon, vous allez vous passer à côté de l'aimant, donc comment vous ne pouvez pas être attiré. Donc soit vous êtes du fer, et le fer ne fait pas de l'effort pour être fer. Le nylon ne fait pas de l'effort pour être nylon. J'espère que vous comprenez. La propriété est innée dès le départ. C'est la prédestination, mon cher ami. Donc, il y a deux semences. Ce n'est pas que tu fais. Judas n'a pas voulu être comme ça. Mais souvenez-vous de ceci, vous qui ne comprenez pas ces choses-ci. Judas avait un père humain et une mère humaine. Je veux que vous compreniez, il n'est pas sorti du ciel. Mais il était fils de la perdition. Donc, peut-être vous êtes comme ça, vous chantez, vous prêchez sur les télévisions étrangères, vous prêchez sur ceci, mais vous êtes le fils de la perdition. Et que si vous le réalisez que vous êtes, vous ne pouvez pas changer votre nature. Parce que le chat est chat des prix, le chien est chien des prix. Genèse 1, 11 dit que chaque plante se produit selon son espèce. Si vous êtes de l'espèce, là, vous allez reproduire le fruit exactement comme Caïn a produit, exactement comme Judas a produit. On va voir ça, frère, au courant des Écritures. Donc, il y a deux races au milieu de nous. La race des vipères. Remarquez très bien que la vipère, c'est un serpent. Donc, Jean-Baptiste voulait se référer pour cette descendance-là. Physiquement, vous pouvez voir là-bas, mais avec l'œil prophétique, ils voyaient ce qui était en nous, c'était le serpent. Donc, bien aimé, frère, ma sœur, on va aller dans la deuxième partie. Lorsqu'on va continuer, on va développer cela en profondeur pour que les bien aimés, frère, sœurs puissent comprendre le monde entier. Ok, ben, vraiment que le Seigneur soit glorifié. Je prie le Seigneur qui dispose ses fils et ses filles, sa race, les fils du royaume, le blé, le véritable blé du Seigneur. Je prie qu'ils puissent être disposés à écouter. Amen. Écouter cet enseignement, ouvrir leur esprit au Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit lui-même puisse mettre le sceau. Et chaque fois que les Écritures sont citées, les enfants de Dieu qui écoutent humblement, le Saint-Esprit met toujours le sceau. Amen. Et je retiens par cette première vidéo qu'il y a deux lignées depuis Genèse chapitre 3. Et le Seigneur va nous démontrer ça ici dans Matthieu 13, tout ce qu'on a lu. Et que le Seigneur lui-même dit qu'il allait révéler les choses qui étaient cachées depuis les temps anciens. Amen. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Frère Junior, que le Seigneur te bénisse. Et nous bénissons. Qu'il te bénisse aussi, frère, et qu'il bénisse tous ses enfants qui écouteront ceci, et même mes ennemis. Amen. Amen. Amen. Amen. Mais j'aimerais qu'on finisse par une question, frère Junior. Quand le Seigneur dit, allez annoncer la parole dans Marc 15, 16, allez annoncer la parole à toute la créature. Ceux qui croiront qui seront baptisés seront sauvés. Mais pourquoi, quel est le but du fait que le Seigneur laisse qu'on annonce quand même la parole à toute la créature? Bonne question, frère, bonne question. La parole de l'évangile a deux buts. Ramener les brebis à la maison, proclamer la condamnation sur les autres. C'est aussi simple que possible. Donc, remarquons très bien, quand le Seigneur Jésus, si on prend le cas par exemple de Lazare, quand le Seigneur Jésus a ressuscité Lazare, il y avait deux groupes, alors beaucoup cru en lui et d'autres sont allés de l'autre côté, donc il faut qu'on le tue. La même parole a été sortie, les groupes se sont séparés. Donc, il n'y a qu'un seul but. En fait, voici la révélation. La parole, quand ça sort, c'est parce que nous, humains, nous ne connaissons pas ceux qui sont destinés à cela. Quand ce n'est pas cela qui est donné, quand on ne prêche pas la parole de Dieu, parce que beaucoup de personnes disent que non, comme c'est prédéfini, on reste comme ça, non. Nous sommes les artisans du royaume, on va prêcher et le filet va être lancé. Souvenez-vous de la parabole avec le poisson, le royaume de Dieu avec le poisson. Lorsqu'on pêche le poisson, il dit qu'on va mettre le maquereau à part, on va mettre le crabe à part. Le crabe ne fait pas l'effort pour être crabe, le maquereau ne fait pas l'effort pour être maquereau. Si dans la pêche, on cherche le maquereau, c'est lui qu'on va prêcher. Donc, Dieu lance le filet de l'évangile pour prêcher ses enfants. Si vous n'êtes pas de ses enfants, vous ne pouvez pas y être. Donc, le problème, c'est que c'est toi et moi qui prêchons l'évangile et tous les autres qui prêchent l'évangile dans le monde entier ne savent pas exactement qui est destiné. Nous prêchons par le Saint-Esprit amène ce qu'il doit amener. Et par-dessus tout cela, c'est remarquable que lorsqu'on dans cette parabole de filet, lorsqu'on lance le filet, on ne pêche pas toujours le poisson qu'on veut. On pêche ces poissons avec d'autres poissons. C'est ainsi qu'on lance l'appel à l'évangile. Beaucoup de personnes viennent avec l'émotion, comme Judas, ils viennent dans le groupe. Et puis, c'est ça, j'ai des personnes qui peuvent causer des troubles parmi les frères. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de paix, c'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de consolation, c'est l'esprit de douceur. Le Saint-Esprit ne crée pas de division. Donc, alors on peut regarder ce genre d'esprit. Parce qu'il a dit, notre Seigneur Jésus-Christ a dit encore par rapport au fruit, par rapport à l'arbre, dans Matthieu 7, que c'est à leur fruit qu'on va reconnaître l'arbre. Et l'arbre, c'est symbolique par les hommes. Donc, frère bien-aimé, pour répondre à ta question aussi simplement, l'évangile est prêché pour amener des gens dans le royaume et proclamer le jugement pour les autres. Amen. Amen. Donc vraiment oui. Que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire pour annoncer la prochaine vidéo. Moi, j'aurais souhaité qu'on aborde même encore oui. 10 ou 20, 30 minutes selon le temps de la caméra. 10 ou 20, 30 oui. minutes que tu essaies d'entrer un peu dans ce que le Seigneur vraiment te guide. Quoi. Si tu peux encore oh. nous accorder 10, 20, 30 minutes pour le temps de oh. la caméra. Ok frère, dans ce cas, je vais aller dans la deuxième partie. Ce n'est que les jalons, je reconnais franchement. Donc, bien que les frères bien-aimés, s'ils ne m'appellent pas frère, moi je les appelle frère parce que j'ai l'amour du Seigneur Jésus pour eux. S'ils n'acceptent pas, il y a un problème. Donc, bien que les frères ne puissent pas comprendre, je comprends, je les comprends, je suis en leur position. Parce que, je vous le dis, il y a des choses que Dieu m'a révélées que j'ai dû garder pour longtemps pour prêcher. Mais quand j'ai commencé à voir que Dieu a révélé ça à plusieurs personnes, c'est là où j'ai commencé à dire, ah, Seigneur, donc tu as révélé cela à d'autres personnes. Et ça fait depuis, écoutez très bien, pour mon cher Nama, Georges, qui croit peut-être que ça venait de l'enfer. C'est depuis 2009 que je prêche cela. C'est depuis 2009 exactement. Tu as posé la question par rapport à ma conversion et d'autres personnes ont posé la question. Je vais te répondre dans la vidéo suivante. Mais pour le moment, je vais seulement te répondre à certains aspects. Je veux que tu comprennes que c'est depuis 2009 que je prêche cette doctrine et je n'ai pas changé de doctrine depuis parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé cela. Contrairement à toi qui initialement a prêché que le baptême d'eau n'existe pas, parce que tu es revenu, un temps tu prêchais la Trinité, maintenant tu es prêché avec deux dieux maintenant. Je ne badine pas avec de la doctrine. Alors pose-toi la question sur ton Saint-Esprit que tu as reçu. Comme tu poses la question sur mon salut. Pose-toi la question sur ton Saint-Esprit et réponds-toi tout simplement parce que le Saint-Esprit n'enseigne pas le vrai et le faux. Pose-toi la question sur les gens que tu as enseignés qui parlent en langue. On n'a pas enseigné.